Bienvenue tout le monde sur la FOC, nouvelle édition en ce nouveau moment d'enregistrement. Nous sommes le 11 octobre 2018, soir du premier match à domicile du Canadien de Montréal dans cette nouvelle saison de hockey. JB Gagné, ton animateur, et cette semaine avec moi, Sylvain Rioux. Hey, salut, Jay Busy, comme Eduardo s'est mis à t'appeler. L'homme le plus occupé sur la planète. Ouais, ben, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on a 40 ans. On veut en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Eduardo qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il célèbre son anniversaire. Ouais, avec les gens qui l'aiment. Donc, nous sommes pas là. Et c'est avec ça. Nous aussi sur l'émission cette semaine, Nicolas Desrosiers. Oui, monsieur. Salut les boys, ça va bien? Yes, toi? Ouais, oui, top shape. Ce soir, grosse émission, plein de choses qu'on veut discuter. Nous avons aussi demandé aux gens sur notre communauté, sur Facebook, sur notre page, des sujets, des questions qu'ils voulaient qu'on aborde. Donc, on va aussi adresser ça. Donc, on a plein de choses qu'on veut vous parler. Le Canadien, comme je le disais, est en train en ce moment d'affronter les Kings de Los Angeles. Donc, au fur et à mesure, peut-être, nous, l'évolution, on va pouvoir commenter un peu comment ça s'est passé. Mais déjà, on peut parler de peut-être un petit peu de la cérémonie d'avant-match. Moi, je ne l'ai pas écouté. Vous, l'avez-vous regardé, les gars? Moi non plus, je travaillais. Ah, bon. Toi, Sylvain? Moi, Oui, je l'ai vu. ben, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Là. Je veux pas être négatif, mais c'était pas. Ils sont pas allés trop dans le mélo quand même. Là. C'était pas. C'était assez beige. Là. C'était. Dans le fond, ils ont présenté tous les joueurs qui étaient sur place. Chacun dans sa section alentour du centre Bell. Puis ouais, c'était pas mal ça. Là, évidemment, la plus grosse ovation a été pour Serge Chavard et Jacques Demers, qui ont été présentés ensemble. C'est pas mal eux qui ont eu le plus gros pop avec Guy Carbonneau, je vous dirais. Là. Parce que Patrick Roy a été là seulement par vidéo parce que les Remparts jouaient en même temps. Donc, mais c'est ça. Tu sais, ça a été fait très sobrement. Du peu que j'ai vu, ça avait l'air d'être du réchauffé. Là. Ben c'est ça. Ça ressemblait à pas mal tout ce qu'on a déjà vu. Tu sais, mais là, mais l'expérience c'est... client, là, le divertissement qu'on nous promettait, premier match à domicile, l'ouverture de la saison, on nous a. Il y avait quelque chose de particulier, là, il y avait quelque chose de spécial. Dites-moi que c'était grandiose. Ben, c'était pas grandiose, mais tu sais, on a compris ce que Jeff Molson voulait dire. Je sais pas si vous avez vu cet article-là. Je crois que c'était. Mardi ou mercredi de cette semaine, dans la presse plus, il y avait un reportage justement sur la nouvelle expérience client du Canadien. Oui, qui présentait le menu. Ouais, en gros, c'était comme pas mal ça. Là. C'est le M2, le Montréal métropolitain. C'est dans le fond, ils ont juste mis des restaurants où est-ce que tu peux manger genre des tacos aux crevettes puis des affaires de même, là, tu sais. J'ose même pas imaginer la facture. Si un hot dog te coûte 5$, j'ose même pas imaginer un tacos aux crevettes, combien que ça peut te coûter. Tu veux même pas l'imaginer. Là. Faut que tu leur ramasses ton argent, là, le 18 millions de dollars qui a été investi là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Faut que tu le ramasses, là, faut que tu le rentabilises, faut que tu le récupères. Là, ouais, c'est ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à date, on n'a pas encore entendu ni de Coldplay ni de U2. Fait que. Ils ont updaté la playlist, j'aime ça. Ouais, c'est ça, probablement. Là. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, quand on parlait de ça, là, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé cette question-là un petit peu plus tôt. En message privé, là, mais moi, j'ai appris de quoi il n'y a pas longtemps. J'ai vu une entrevue avec Biz de locaux locaux. Ouais, je l'ai vu aussi par rapport au cachet réservé aux artistes. Là. Ouais, puis tu sais, pour le but là, que le Canadien s'est servi abondamment, là, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était 56$ ou 156$ par année. Que ça leur apportait chacun. Tu vas me dire qu'ils sont trois dans le groupe, là, mais tu sais, c'est entre 150 et 500$ pour utiliser leur toune, ce qui est quand même assez ridicule. Puis tu sais, ils ont fait plus que ça parce qu'ils ont mis la toune dans le jeu de NHL, puis c'est là qu'ils ont fait le gros de leur argent, mais encore là, on parle de à peu près 2000$. Wow! Ouais, c'est pas... Fait que tu sais, quand on pense que les musiciens et les artistes roulent tout sur l'or, là, c'est clairement pas le cas. Là. Ben, ils roulent le scène, mais c'est pas mal la seule or qui roule. Puis ils roulent des joints, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Ça, à partir de la semaine prochaine, on va comme pouvoir en parler plus allègrement. Oui. Là, mais full on va pouvoir en parler légalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que jusque-là, il n'y a personne qui a jamais fait ça. Exact. Non, c'est ça. Je vais utiliser la question de notre ancien collègue Jerry Godbout pour lancer la discussion. Il nous demandait sur notre page Facebook, évidemment, là, il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer, deux et un tiers en ce moment, au moment où est-ce qu'on parle et qu'on enregistre. Jusqu'à maintenant, comment qu'on trouve le club du Canadien, la tenue de l'organisation, les deux matchs qui se sont joués? Ce qu'on a apprécié et moins par rapport aux Canadiens dans ces matchs-là. Je vais laisser la parole aux vétérans. OK. Ben, écoute, ce qu'on a vu, la bonne nouvelle, c'est que le dump and chase, ça a l'air d'être sensiblement pas mal fini. Là. C'est-à-dire que là, ils vont transporter la rondelle, ils servent beaucoup de la rapidité. Ce qui est une excellente nouvelle. Là. Le Canadien arrive en 2018. Moi, j'avais hâte de les voir jouer justement contre une équipe comme le match dans ce moment avec les Kings. Là, il y a seulement une période qui vient de se terminer. Mais ce que j'avais peur est un peu en train d'arriver. J'imagine qu'il va y avoir des ajustements. Du moins, je l'espère. Mais là, le Canadien ne jouait pas sa game. Il essayait de jouer la game des Kings, puis le but des Kings, c'est de ralentir le jeu, parce que les Kings sont dans le top 3 des équipes les plus grandes et les plus lourdes. Donc, sont toutes l'inverse du Canadien en ce moment. Le Canadien, tout est axé sur la vitesse. Puis en ce moment, même si le Canadien est à domicile, c'est les Kings qui imposent leur tempo à eux autres. Mm-hmm. Donc, même en n'ayant pas le deuxième changement, j'ose espérer que Claude Julien va resserrer ça en deuxième période. Mais moi, c'est la seule chose qui me faisait peur, c'est qu'il faut que même si l'autre équipe essaie de ralentir le jeu, il faut que tu gardes ta game quand même. L'affaire qui sera particulièrement intéressant à suivre aussi, c'est le fait de pouvoir maintenir cette cadence-là. Patiner à fond, est-ce que les gars vont finir par s'essouffler? Est-ce que les autres équipes vont s'ajuster aussi? Parce que là, le Canadien, défaite en prolongation et victoire contre Pittsburgh, premier match contre Toronto, la défaite en prolongation, reste que la dose de talent n'est pas nécessairement énorme chez le Canadien. Est-ce que les autres équipes vont réussir à adapter leur plan de match pour venir contrecarrer les forces du Canadien? Il y a certainement plusieurs gros clubs qui, à partir de maintenant, du moins dans les premières semaines, vont peut-être se faire pogner. Après ça, peut-être que ça n'arrivera plus. Là. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec toutes les reprises vidéo et tout, que il y a des séances d'impratique qui font justement pour analyser l'adversaire. C'est sûr que pour le Canadien, au début, pour certains clubs, ça va être facile. C'est sûr qu'ils vont avoir une chance à chaque match, mais plus ça va aller, plus comme tu dis, plus que la saison va avancer. C'est sûr que les équipes vont s'ajuster. Mais la façon de jouer du Canadien, c'est une façon de jouer qui est bonne pour les équipes de l'Est qui sont un peu dans le même style que le Canadien, qui mise un peu plus sur le talent. Mais comme quoi qu'on voit, justement, comme Los Angeles ou les plupart des clubs de l'Ouest, c'est là que c'est plus difficile quand les joueurs sont plus gros, sont plus lourds. Oui, la vitesse, des fois, peut faire que, comme un Dion Phaneuf, qu'on peut le contourner plus aisément. Mais la plupart des équipes, même s'ils sont gros, sont rapides quand même. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est toujours plus difficile pour le Canadien qui est très petit. Donc, c'est plus difficile pour eux autres de s'imposer, c'est sûr et certain. Ouais, mais tu sais, quand tu es à domicile, comme c'est toi qui as le dernier changement et tout, ça devrait être toi qui devrait être capable de dicter le tempo de cette game-là. Ah, c'est ça, je suis d'accord. Puis c'est là que j'ai pas aimé comment ils ont réagi en première période. Mais comme je dis, là, on joue à l'avocat du diable, là, on va souhaiter que ça va se replacer en deuxième et en troisième période, j'ose imaginer. Mais c'est ça, faut justement qu'ils profitent du fait de jouer contre des équipes moins mobiles qu'eux pour imposer leur tempo puis que les autres, il y a la langue qui traîne à terre pour toute la game. Là. Mais ça, ça a toujours été le problème du Canadien. T'sais, toutes les années, les dernières années, fiche contre les équipes de l'Ouest, ça a toujours été très difficile. Là. Les voyages contre San Jose, contre justement Los Angeles, c'est toujours difficile. Contre Anaheim, même chose quand on joue à Edmonton. T'sais, c'est des équipes qu'on a de la misère à compétitionner contre. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant là, dans tout ça, c'est qu'avec... Il y a eu une grosse pause entre le match numéro 2 et le match numéro 3 de la saison du Canadien. Il y a eu une grosse pause. On parle de 4 ou 5 jours. Là. Je pense que c'est samedi à jeudi. Ouais. Fait que c'est un gros 4 jours. Et ça a permis à ben des médias d'adresser et de couvrir ces deux matchs-là. Écoute, on en a entendu parler en long et en large. Et là, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on extrapole. On prend dans les médias, puis j'ai l'impression que nous aussi, puis en fait, tout le monde peut tomber dans le piège de considérer que cet échantillon-là de matchs qu'on a à se mettre sous la main, on l'étend sur 82 matchs. Mais c'est juste deux matchs. Puis c'est contre des formations, justement, ils n'ont pas eu de reprise vidéo, ils n'ont pas eu de choses comme ça pour pouvoir s'ajuster puis connaître ce que le Canadien allait être. Est-ce que la balloune va déchanter? Est-ce qu'ils vont vraiment maintenir ça pendant les 80 prochains matchs? J'ai un peu de misère à le croire. Déjà, une saison, c'est un marathon, là, il y a des hauts et des bas, mais j'ai de la misère à croire que toutes les équipes vont pouvoir tomber dans le panneau. Toutes les équipes vont sous-estimer le Canadien. Toutes les équipes vont se faire avoir par ce style de jeu-là, par des joueurs qui ont un niveau de talent, si on compare avec d'autres équipes, qui n'est pas le plus élevé. Là. Non, ben c'est sûr et certain que ben tu sais, juste en ce moment, le match contre les Kings, après une période, on voit que déjà là, les Kings se sont adaptés à leur style de jeu. Tu sais, dans le hockey d'aujourd'hui, où est-ce que 2 minutes après le jeu, tu es capable de l'avoir tout écortiqué, ils l'ont sur le banc avec leur iPad, sont capables de tout de suite faire les ajustements. Tu sais, tout est instantané. Fait qu'il n'y a plus moyen de cacher rien à personne. T'sais, c'est pour ça, j'ouvre une parenthèse, mais ça va quand même toucher à qu'est-ce qu'on parle. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup des entrevues des joueurs dans le vestiaire. Puis Martin McGuire, que j'aime beaucoup, aujourd'hui, il a posé genre la même question à tous les gars qui a interviewé Byron, Drouin, puis tout le kit. Puis fait qu'il y a la même cote, mais avec différentes voix puis intonations. Ouais, puis je trouvais que sa question ne fitait tellement pas. Tu sais, en 1986, sa question aurait fité. Sa question était, tu sais, là, ça a bien été les deux premiers matchs, vous avez imposé votre tempo, la rapidité, blablabla. Mais comme le Canadien est une équipe qui est très médiatisée, est-ce que vous pensez que là, maintenant, les autres équipes savent votre style de jeu? Puis là, moi, je me disais... Vu que le Canadien est très médiatisé, quoi? Est-ce qu'il s'attend que les médias, c'est comme ça que les autres équipes s'informent sur le Canadien? Ben, c'est ça, tu sais, quand je dis que ça m'a titillé, puis là, je me suis dit, OK, tu sais, peut-être qu'il l'a mal dit. Mais là, quand je l'ai vu leur poser la même question à un deuxième, puis à un troisième, puis à un quatrième joueur, j'ai dit, ben, voyons donc, ils pensent vraiment qu'ils n'ont pas des dépisteurs sur place, puis qu'ils n'ont pas accès à revoir tous les matchs sur le site de la NHL. Pis n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Voyons, là. Hey, écoute, si nous autres, on est capable d'avoir le NHL Center Ice puis de regarder toutes les games, là, tu sais, n'importe quand, de rattraper, là, je pense que les clubs ont accès, même, c'est même pas zoné. C'est, je le dis, c'est même pas zoné, là. Ils doivent même avoir accès aux caméras pour mettre les bons angles. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que. TVA peut t'offrir un match splitté en 72 caméras, puis un joueur en particulier. Je pense que les clubs sont corrects, OK? C'est ça. Fait que, tu sais, bref, j'ai ouvert une parenthèse pour parler de cette question-là de Martin McGuire qui m'a fait friser les oreilles, là. Puis j'ai trouvé ça bizarre parce que je l'aime beaucoup encore là, comme je dis, là, mais celle-là, je l'ai trouvé bizarre. Fait que, tout ça pour revenir à ce qu'on disait que avec toute la facilité qu'il y a de médias. Puis, tu sais, tout est instantané, là. Tu sais, comme je le disais plus tôt, tout de suite, au banc, ils peuvent avoir la reprise du but qui vient de se passer puis faire les ajustements directement sur les iPads. Ils ont tout ça, là. Fait que, tu sais, puis ils ont des pro scouts, ils ont des dépisteurs qui regardent tous les matchs. Il y a des gars que c'est ça leur job, là. Ils ne font que ça, analyser les matchs, puis tu sais, les séparer, puis tu sais, voir ça, puis tu sais, regarde. Il fait, il n'y a rien qui est secret, là. Il y avait une séquence, tu sais, la fameuse émission, le 24CH, là, où est-ce qu'on suivait là, ouais. Les matchs là, dans les coulisses, tout ça, là, pendant un certain... En fait, la première saison, tu avais du footage d'enchambre entre les périodes, enfin la même. Puis il y avait un clip qui avait circulé beaucoup sur YouTube puis sur les réseaux sociaux de Michel Therrien qui convoquait Piquet Saubin dans une autre période pour montrer « tu fais tel jeu, toi, tu fais ça, faut pas que tu fasses ça, fais ci, ça, ça ». C'était il y a 5 ans, là. Fait que, imagine aujourd'hui, c'est encore, tu sais, ils attendent même plus à l'entre-période, là. Sans tablette, merci, bonsoir entre les jeux, là. C'est ça, c'est plus comme en 1986 que fallait que le gars, il pogne la cassette VHS puis la mettre dans la machine en montage puis faire du montage. Tu sais, ça demandait, ça demandait un autre travail, là. Ben, il y avait aussi quelqu'un, mettons, dans la galerie de presse, puis que lui, analysait du haut qu'est-ce qui s'est passé, puis il envoyait ça par walkie-talkie en bas, puis c'était ouais, des vieilles technologies. Là. C'est ça, là. Mais tu sais, là, à ce temps, ils ont les iPads directement au banc, puis tout. Ils sont capables de tout voir, puis de tout, tu sais, de réagir instantanément à qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que T'sais, ils ont comme pas besoin de rien pour voir ça, là. T'sais, ils ont pas besoin que le, t'sais, voir que parce que le Canadien, il y a plus de médias qui y suivent, qu'il va avoir plus de footage que les Coyotes de Phoenix. OK, on va faire une petite équation bien, bien simple, OK? Super simple. Le hockey, ça joue en anglais. Fait en partant, là, oui, il y a plus de médias qui couvrent le Canadien, peut-être que la moyenne des ours là, dans la Ligue, là, sauf qu'enlève toute la portion francophone. Il y en a moins, finalement. Les médias anglophones là, qui couvrent le Canadien, il y en a moins qu'au Maple Leaf de Toronto. Fait que, on va se calmer, nous. Puis, tu sais, j'ai comme des gros doutes que Babcock à Toronto va se dire, hey, je vais écouter l'antichambre, savoir ce que Gaston en pense. Je vais me fier à ce que Gaston dit, tu sais. Ouais. J'imagine mal, là. T'sais. Mais cette pause-là de 4 jours entre les deux matchs, en termes de timing, c'est épouvantable là, pour les médias. C'est pas évident, là. C'est, quand faut que tu fasses un show à tous les jours puis que tu as juste un échantillon de 2 matchs à te mettre sous la main. Puis même Claude Julien, en point de presse, l'a mentionné parce qu'à un moment donné, t'sais, il a fait des points de presse après le premier match, après le deuxième match et après les 2 entraînements ou 3 entraînements qu'il y a eu. À un moment donné, là, il a adressé la situation. Alors, c'est ça. T'sais, de quoi tu veux parler à un moment donné? Ah, oui. Attends. C'est sûr. Ma cote était longue à décoller. Ce qu'on a accompli dans les deux premiers matchs, c'est bon, mais je le répète encore, c'est deux matchs sur 82. Hey, calmons-nous, là. Même le coach le dit. Là. Calmons-nous, c'est juste deux matchs. Juste, je pense que c'est hier qu'on a commencé une discussion sur Paul Byron. Combien Paul Byron peut sortir de buts cette année? Oui, il est capable de sortir 25. Oui, OK. Il fallait qu'il aille chercher loin. Tu sais, selon ce raisonnement-là, ça veut-tu dire que Matthews à Toronto va en scorer à peu près 188? Probablement. T'sais, voyons. Là. C'est un objectif réalisable. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais non, mais c'est ça. C'est juste. Tu sais, mais je trouve vraiment que le calendrier en début de saison est drôlement fait. Tu sais, comme Canadien joue son troisième match aujourd'hui, ils en ont joué deux presque collés. Là, ils ont un cinq jours. Mais tu sais, tu as des équipes comme Edmonton qui jouent seulement leur deuxième match aujourd'hui. Ouais. Tampa joue seulement leur deuxième match aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà joué cinq matchs. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, Washington a joué hier, puis ils sont encore en action aujourd'hui. Mm-hmm. Une autre affaire bizarre, ce soir, je pense que tous les clubs jouent, puis demain, il n'y a pas de match. Un vendredi soir. Pas de match. Pas de match. Ouais, ben, il y a 12 matchs à soir. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il y a 24 clubs qui jouent, là. Ouais. Mais tu sais, dans le sens que marketing-wise, puis les ventes de billets, c'est-tu plus payant un match un mardi ou un mercredi soir ou un vendredi soir? Je dis ça de même, là. Ouais, ben, en fait, tu sais, le hockey, c'est pas mal. Tu sais, le vendredi soir, c'est vrai que c'est pas mal une des pires soirées. Si tu parles de au Canada, ben, le samedi soir, c'est ton gros soir. Ben, c'est souvent mardi. Les Américains, eux autres, elles ont très plus sur avoir ça le samedi après-midi puis le dimanche après-midi parce qu'ils sont habitués genre avec le football. Fait que le samedi soir, ils n'en ont rien à faire. Mais déjà là, ils n'en ont rien à faire là, avec les chiffres de cote d'écoute qu'on a vus. Effectivement. Avec le chiffre de cote d'écoute qu'on a vu, c'est ridicule. Avez-vous vu, tu me fais penser à ça parce que, veux pas, on n'arrête pas de dire bilan financier de la Ligue nationale, l'entente avec NBC aux États-Unis, c'est l'équivalent de 200 millions par année, là, c'est des peanuts, là, dans l'univers médiatique. Et on dit, ben, ah, écoute, oui, la Ligue augmente ses profits, mais on parle de 3% cette saison, c'est pas énorme, c'est pas gros. Puis, t'as le propriétaire de l'équipe des Bruins, Jeremy Jacobs, si je me trompe pas son nom, qui il va. Écoute, j'ai l'impression, moi, que c'est le champ gauche, là, mais peut-être que ça jase plus dans la cour des propriétaires. Là, mais, hey, ça prendrait un club à Houston. Ouais, j'ai vu ça, ouais. À Houston? Quoi? Tu sais, peut-être qu'il y a du monde intéressé pour le hockey, là, mais c'est, encore une fois, le sud des États-Unis, puis c'est pas là jusqu'à maintenant que les clubs ont été le plus rentables. Je veux bien là, que t'aimes pas la monnaie canadienne puis que le marché est peut-être saturé, mais quand la pièce canadienne fonctionne, c'est ça qui traîne ta ligue. Puis même quand elle fonctionne pas, c'est quand même ça qui traîne ta ligue. Là. Oh oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, je parlais de code d'écoute un petit peu plus tôt, là. Puis, tu sais, je t'avais tagué sur cette publication-là, JB, justement, pour que tu regardes les chiffres, là. Tu sais, les codes d'écoute aux États-Unis, quand il y a un match de hockey, la moyenne de code d'écoute, c'est aux alentours de 348 000 personnes. Tu sais, ça, c'est la poule fait plus que ça au Québec, right? Poule fait quasiment 2 millions, là. Non, mais tu sais, l'année passée, là, on disait que c'était catastrophique le Canadien en fin de saison, les codes d'écoute et tout. Mais des codes d'écoute catastrophiques du Canadien, c'était ça, 350 400 000 personnes pour une province de 8 millions d'habitants, pas pour un pays de 270 millions d'habitants. J'avais vu il y a quelques années un. Écoute, faudrait vraiment que je fouille pour retrouver ça. Là. C'était vraiment intéressant. Puis, dans le fond, l'étude qui avait été faite, là, c'était très spéculatif, là. Mais on avait, dans le fond, évalué c'est quoi la couverture médiatique d'un club de hockey à travers la Ligue nationale. Fait qu'au prorata de tout ce qu'il y a comme couverture médiatique, tout ce qu'il y a comme espace, temps d'antenne, télé, radio, journaux, tout ce que tu peux produire là, en termes de temps de nouvelles, quel pourcentage va au hockey? puis donc à l'équipe professionnelle du coin. Et on calculait là-dedans que Montréal pourrait avoir un deuxième club, Québec pourrait en avoir un, et même Sherbrooke et Trois-Rivières auraient assez d'espace et de couverture médiatique pour être le média population puis tout là, pour un club de la Ligue nationale versus ce qui se fait dans certains coins aux États-Unis. Dans la moyenne de la Ligue nationale, en termes de couverture garantie ou moyenne couverte par les clubs, par les médias, c'est toutes ces villes-là au Québec seraient capables d'accueillir un autre club de la Ligue nationale. Ça ne me surprend pas. J'avais vu, je pense, en Arizona, qu'il n'y a même pas 40 matchs qui étaient télévisés. Oui, puis en fait, les Coyotes de l'Arizona, les gens, souvent, ils rient dans la région d'Ottawa, Gatineau, que les matchs à la radio en français, c'est une radio communautaire. Unique FM est une grosse station. Oui, c'est communautaire, mais c'est quand même une très grosse station. C'est eux qui ont le contrat pour la diffusion radio des matchs des Sénateurs en français. Mais pour les Islanders de New York et pour les Coyotes de l'Arizona, la diffusion des matchs dans la langue première, ce qui veut dire l'anglais, c'est des radios universitaires. Oui, c'est ça. C'est des radios étudiantes. C'est des radios étudiantes. Est-ce qu'ils payent leur staff? Est-ce que je ne sais pas là, comment. Mais c'est des radios étudiantes. Là. C'est quand même je suis quand même surpris plus pour New York. Là. Ben, leur année de misère, puis le déplacement du club, puis certainement que ça attire moins une station de radio d'aller chercher les droits, là, parce que c'est une question d'appel d'offres. Là. Tu sais, s'il y a personne qui bide, hein. Fait que tu commences le plus payant. Puis tu sais, le fait aussi que tu sais, les Américains ont de la misère à suivre la cadence du hockey, même à la télé. Parce qu'ils sont habitués avec des sports comme le football, le baseball, tu sais, des sports plus lents. Tu sais, que tu as le temps, tu sais, les changements ne se font pas on the fly, tu sais, pendant le jeu, là. Ouais. Tu sais, ouais. Puis ça, les Américains ont comme beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça, que c'est un sport qui bouge trop pour qu'est-ce qu'ils sont habitués, tu sais. En fait, je pense pas que c'est dans l'action qu'ils ont un problème. C'est dans le. Il y a un pacing dans les matchs de hockey. Le nombre de pauses, le nombre d'arrêts est beaucoup moindre. Les pauses se font beaucoup plus rapidement aussi. Là. Quand tu changes ton line-up au complet au football, là, t'en prends du temps. Là. Tandis qu'au hockey, en plus de la rotation pendant le jeu, les pauses entre les jeux sont moins longues. T'as moins le temps d'aller chercher ta quatrième bière genre, pendant le hockey. Aussi, tu sais, mais... Puis, tu sais, il faut le dire, tu sais, moi, je trouve que le hockey, c'est pas un sport qui est très, très bon à la radio. C'est trop rapide. Ouais, et c'est dur de voir le jeu, et c'est pour ça que je lève toujours mon chapeau à Martin McGuire, qui a une façon de décrire le match que c'est comme si tu le voyais. Ouais. Mm-hmm. J'ai pas diffusé encore. Mais il y a des années et des années et des années de travail et d'expérience en arrière de ça aussi. Je l'ai fait un peu dans mes années à la radio, mais c'était du hockey senior, pas de nom dans le dos. Là. Tu sais, ça dit un peu le niveau de hockey. Et dans un secteur où les Vigneault, les Richard, les Jonf étaient légion. Fait que tu peux pas juste dire Jonf, il y en a trois sur le line-up. Tu peux pas dire Richard, il y en a quatre. Et c'est pas évident et j'ai pas diffusé le show encore, mais je me suis entretenu avec Vincent Tremblay, qui était l'ancien annonceur et descripteur des Olympiques de Gatineau à la radio. C'est probablement le prochain ou l'avant-prochain show plus entrevue job alentour du hockey que je vais vous diffuser. C'est super intéressant, plein d'anecdotes. Il a fait plein de jobs dans l'univers du sport, puis c'est un des éléments qui mentionnait, c'est le positionnement spatial, c'est du jeu, du déroulement, quelques trucs que tu peux faire pour imager le jeu, parce que les gens justement ont pas de visuel pour supporter. C'est pas évident, c'est un art. Vraiment. Autre sujet, je m'en vais vers d'autres choses. J'avais le goût, suite à deux matchs, évaluons des joueurs. Yes, sir. Parce que notre échantillon est super bon, hein? Hein? On l'a dit, hein? Ce qu'on a accompli dans les deux premiers matchs, c'est bon, mais je le répète encore, c'est deux matchs sur 82. OK, analysons. Cote Camille. Cote Camille. Attends. Kotkaniemi, c'est... OK, c'est ça. Ouais, quatre, je ne m'étonnerai jamais. Ouais, mais ça a l'air que même Marc Bergevin, à l'antichambre, il avait bien de la misère. Je pense qu'il l'a nommé comme quatre fois, puis les quatre fois, il l'a pas dit comme faux. Non, c'est ça. Effectivement. C'est Niemi, mais tu rajoutes Kot avant. Tu sais, man, Kotka, il me semble que ce n'est pas si compliqué. En tout cas, évaluons Kotkaniemi. Ben, pour l'instant, je pense que... Je laisse aller. Allez, ouais. Pour l'instant, je pense qu'il a fait quand même du beau travail. La seule chose que j'ai été déçu, ben, c'est pas de lui directement, mais contre Pittsburgh, et à la fin du match, même à partir de la troisième période, il était rétrogradé sur le quatrième trio. Puis ça, c'est la chose qui me fait le plus peur. Je sais qu'il faut quand même préserver son utilisation contre, mettons, Crosby, Malkin et compagnie, quand t'as peut-être une soirée plus difficile. Mais j'ai juste... peur que ça va finir que Kotkaniemi, on va le faire jouer sur un troisième, quatrième, puis c'est là qu'il va perdre son temps plus que d'autres choses. Ah ouais, en Finlande, c'est ça. Ouais, ben, ouais, puis tu as tellement raison. Moi, quand j'ai entendu ça, là, parce que Claude Julien a eu à répondre à ces questions-là, tu sais, de pourquoi que Kotkaniemi a moins joué. Pis, attends, de qui? Kotkaniemi, c'est... OK, ouais, c'est ça, je pensais. C'est ça, lui, là. Puis, là, Sylvain, il va falloir que tu commences à le dire comme du monde, OK? Là, on a un maître qui nous l'explique. On va l'appeler Kéké. Ouais, Kéké. Puis, ouais, bon, là, j'ai perdu mon idée avec tout ça. Ouais, Claude Julien, le mentionnait. Ouais, c'est ça, Claude. Ouais, c'est ça. Puis, c'est exactement ça qu'il disait. Ouais, tu sais, c'est parce qu'on voulait le protéger, on voulait pas, tu sais, le matcher contre Crosby puis Malkin. Puis, je me disais, ben, voyons. Tu gagnais 5-1, là. C'est ça, laisse-les donc jouer le kit. Même s'il a l'air fou, là. Nomme-moi des joueurs de centre qui sont dans la ligue depuis plus de 5 ans qui n'ont pas eu l'air fou devant Malkin ou Crosby au moins une fois. Puis en même temps, c'est une. Il n'y en a pas. Puis il peut se comparer, puis il peut voir aussi, OK, bon, ben lui, il fait ça. Tu sais, il va comprendre un aspect du jeu qu'il voit pas s'il va jouer contre un centre de troisième ou quatrième trio. Hein, tu sais, on s'entend qu'eux autres, c'est assez basic le rôle qu'ils ont à jouer. Tu vois que Crosby, comment il se situe sur la glace pour se donner de l'espace et compagnie. Ben, c'est là que tu apprends des meilleurs. Tout à fait. S'il y a un joueur, suite à ces deux matchs-là, qui a subi des critiques, là, puis encore une fois, deux matchs sur 82, là, l'échantillon est tellement mince, c'est Jonathan Drouin. Ouais. Écoute, question exagérée, là. Je le sais. Je fais exprès, le but, c'est de générer une discussion, là. Mais est-ce que Jonathan Drouin va réussir un jour à atteindre le fameux potentiel qu'on voit en lui? Moi, je suis même pas inquiet. Honnêtement, Jonathan Drouin, il a tellement un gros talent qui sort par les oreilles que c'est inévitable. Un jour ou l'autre, après ça, ça va décoller comme du monde. Là, moi, je comprenais pas pourquoi on en faisait un cas. L'équipe a connu deux bons matchs. Oui, Jonathan Drouin est peut-être le joueur qui ressortait moins du lot parce qu'il essayait de trop en faire. Ça, je suis d'accord avec tout ça. Mais en même temps, quand il va comprendre que ça joue en équipe, puis que c'est pas à lui de mettre 50 buts pendant la saison là. Et un coup que qu'il va comprendre tout sur cet aspect-là du jeu, ben c'est là que ça va partir, c'est là que ça va décoller, puis c'est là qu'on va voir le vrai Jonathan Drouin. C'est que Jonathan Drouin, ce qui lui a été reproché depuis qu'il est dans la ligue, c'est que tu sais dans la LNH maintenant, les présences sur la glace entre 25 et 35 secondes maximum. On veut, tu sais, le hockey se joue maintenant que, tu sais, c'est une explosion, c'est bing bang, tu donnes toute ton énergie, tu reviens au banc, tu laisses tout sur la glace. Puis Jonathan Drouin, son problème qu'il a depuis même le junior, il étire ses présences sur la glace, puis c'est exactement ça qui est arrivé, par exemple, en prolongation. Il s'est fait prendre, il avait plus de jus, ça faisait 1:15 qu'il était sur la glace. Puis ça a fait le revirement, puis là, Marleau à Matthews, ben, fini. Tu sais, c'est ça son plus gros problème. Il faut qu'il rentre dans les rangs, puis qu'il apprenne qu'il est mieux de tout donner pendant 25-30 secondes que de se laisser glisser pendant 45. Est-ce que Claude Julien va devoir un jour, peut-être dans un match perdant, là, mais t'sais, flagrant, y aller d'un traitement choc? Exemple, tu le laisses sur la glace. Mais tu le laisses, il ne rembarque pas. Tu lui fais assumer le fait qu'il attire ses présences. Tu l'accuses en avant de tout le monde. Et ça sera l'occasion pour les médias d'adresser le sujet. Ça sera l'occasion pour le coaching staff d'adresser le sujet de fond en comble et de lui mettre son nez dans son caca. Et s'il ne change pas après ça, il ne changera jamais. Ben, en même temps, je peux pas croire que ça prend une game où ce que là on va le bencher ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'avec, comme on disait tantôt, avec toutes les vidéos et tout, eux autres aussi ils savent là, que Jonathan Drouin y a-t-il sa présence. C'est tout le monde le voit, ça. Mais pourquoi qu'il agit pas avant que ça arrive dans le match? C'est ça, moi, l'aspect que j'ai plus la difficulté à comprendre. Là. Je sais pas, mais je suis convaincu que oui, le coaching staff le sait, ça c'est sûr. Je suis convaincu que Drouin se l'est fait dire. J'en suis convaincu. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit jusqu'à maintenant? Non. Donc, ben écoute, si ça ne fonctionne pas en faisant toujours la même affaire, ben essayons d'autres choses. Mais tu as des joueurs que ça n'a jamais rien changé. T'sais, Alex Kovalev, c'était un de ses plus gros problèmes. C'était ça. Il a passé sa carrière à étirer ses présences. Fait que on va souhaiter que Drouin va comprendre parce qu'en ce moment, il ne se rend pas service là. Il se nuit plus que d'autres choses. Oh, oui, vraiment, vraiment. Parce que ça le fait pas bien paraître à tous les niveaux. Là. Mais il y a aussi que je trouve qu'il essaie toujours le jeu le plus difficile au lieu d'essayer des trucs faciles. Un peu, c'est tu sais, mettons comme Byron, qu'on voit que là, il a explosé pour les deux premiers matchs. Il se casse pas la tête, lui-là. Là. Il pousse la puck en arrière des défenseurs, essaie de battre avec sa vitesse. Puis il sait que c'est ça qui fait qu'il peut avoir du succès dans la Ligue nationale. J'entends Drouin, il y a des mains, puis un coup de patin quand même assez exceptionnel. Mais on dirait qu'il essaye trop d'en faire en délaissant ses coéquipiers. Puis je trouve que pour un gars qui devrait apprendre à bouger constamment, il est souvent arrêté, sa glace. Ben tu vois, ça, c'est un problème que des surdoués ont. Puis tu donnes un excellent exemple quand tu le compares avec Byron. Byron, là, son chemin pour se rendre dans la Ligue nationale, là, ça n'a pas été facile. Il a toujours eu à travailler plus fort que les autres parce qu'il était moins grand. Il a toujours eu à travailler plus fort pour faire sa place. Tandis que Jonathan Drouin, puis tu sais, je dis pas qu'il a jamais travaillé, là. Je répète, j'adore Jonathan Drouin, mais le chemin était plus facile pour lui parce que il a des aptitudes au-dessus de la moyenne. Et je ramène toujours ça à quelque part, ça me fait penser un peu, on a vu ça avec Carey Price. Tu sais, Carey a eu de la misère ses 3-4 premières saisons. Pourquoi? Parce que jusque dans la AHL, lui, il s'entraînait en été, il n'avait pas besoin de ça. Il était plus grand, plus gros, plus vite que tout le monde. Tu sais, il n'y avait pas besoin, tu sais, il pouvait sortir puis brosser puis rentrer un peu amoché le lendemain. C'est pas grave. Tu sais, avec juste ses habiletés, il pouvait suivre la cadence puis dominer quand même. Quand t'arrives dans la LNH, c'est pas comme ça. Parce que même les surdoués, les McDavid, les Crosby, les Taves, ces gars-là travaillent plus fort que n'importe qui d'autre pour justement rester les meilleurs. Puis c'est cette éthique de travail-là qu'il faut que Jonathan Drouin prenne. Parce que talent pour talent, là, moi je l'ai souvent dit, puis je me suis souvent fait critiquer, là, si on parle de talent brut, pour moi, là, Jonathan Drouin il est dans le top 25 de la LNH si on parle de talent brut. Il a des mains incroyables, il a une vision du jeu. Tu sais, tout a l'air facile pour lui. Mais il manque cette éthique de travail-là, cette maturité-là. Puis je pensais, tu sais, dans le dernier show, j'en parlais, puis je disais, tu sais, j'aimais beaucoup ce que je voyais de Drouin dans les matchs pré-saison et tout. Puis je disais, tu sais, on dirait que finalement, il y a cette maturité-là. Là, oui, c'est seulement deux matchs. Mais déjà, dans ces deux matchs-là, il est retombé dans ses vieux patterns. Ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Totalement d'accord avec toi. Autre évaluation, Max Domi. Parce que là, petit nouveau, on n'a pas pu le voir bien dans les matchs hors concours. Revient, occupe un poste de centre. Je veux savoir ce que vous en avez pensé jusqu'à maintenant. Ma première réflexion au premier match, je me disais, est-ce que l'équipe serait meilleure aujourd'hui avec Galchenyuk plutôt que Domi? Ça, c'était avant la game contre Toronto. Puis plus la game avançait, plus que je découvrais un Domi qui était même sur un troisième trio. Puis je pense qu'avec ses coéquipiers, Byron et Lekkonen, ça fait un Christy beau trio que les trois se complètent assez bien sur la glace. Puis je trouve que ça donne pas un aspect, un regard comme si c'était un troisième trio. On dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça avec Montréal. Ça donne comme trois premiers trios, puis je trouve ça intéressant parce que Domi va rechercher certaines qualités qu'on n'avait pas, puis qui complètent parfaitement avec Lekkonen. Puis aujourd'hui, Lekkonen, moi j'ai toujours dit qu'il était surévalué. Puis je trouvais que ça tardait avant qu'il devienne un joueur qu'on attendait de lui. Puis devienne un joueur qu'on attendait de lui. Puis là, je trouve que honnêtement, autant Lekkonen que Domi, c'est deux joueurs qui me surprennent pour le début de la saison. Ouais, ben Domi, ben écoute, après les deux premiers matchs, c'est le meilleur joueur qui est sur la glace pour moi. Il donne tout ce qu'il y a. Tu sais, Max Domi, c'est ça qu'on disait. Tu sais, c'est un genre de Gallagher. Tu sais, il apporte le même genre d'énergie qu'un Gallagher. C'est un gars qui est fatigant jouer contre lui. Tu sais, mais il a des meilleures mains qu'un Gallagher. C'est sûr que, tu sais, Domi, c'est ça le seul petit astérisque, c'est est-ce qu'il va garder ça pendant ses 82 matchs? Si oui, cet échange-là va peut-être être un vol, j'en doute, mais il amène une dynamique différente, il amène une attitude différente. T'sais, Marc Bergevin serait content que je dise ça, là. Mais non, mais écoute, c'est ça, mais tu sais, pour moi, ça a été le meilleur joueur sur la glace pour les deux premiers matchs. En entrevue sur une émission, Marc Denis, on lui a demandé justement son impression sur Max Domi et tout ça. Puis il revenait un petit peu dans son commentaire sur cette fameuse transaction-là, puis la comparaison avec Alex Galchenyuk. Puis il mentionnait quelque chose comme, je paraphrase, je n'ai pas les mots exacts, que dans le fond, au maximum du talent puis de l'impact sur un match, Galchenyuk serait loin devant. Au maximum de son potentiel et s'il atteint sa game A, là, tu sais, sa game maximale, mais que dans le fond, Domi, dans plus de matchs, quand il sera sur sa game A, sera plus utile à une équipe. Mais qu'il considère encore que côté talent, le Canadien s'est réparti d'une plus grosse dose de talent que ce qu'il y en a acquis. C'est son avis. Il a droit, puis on peut être d'accord ou pas, puis c'est pas tellement important. Le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que actuellement, puis comme c'est souvent le cas dans les médias qui couvrent le Canadien de Montréal, on a comme une ligne de conduite. On a déterminé et on a décidé que Alex Galchenyuk devait être évincé de Montréal. Il l'a été et qu'à partir de maintenant, tout ce que tu dis par rapport à Alex Galchenyuk se doit d'être négatif. Alex Galchenyuk n'a pas de positif dans les médias. J'ai l'impression qu'il y a seulement un accord, c'est tout le temps le même. Tout le monde joue sur la même note, tout le temps sur le même beat. Et là, cette opinion-là de Marc Denis me semblait un juste, mais surtout nuancé. Et l'animateur, puis on fait souvent ça dans les médias, quand c'est pas le message qu'on veut entendre qui est en train de se faire dire, on laisse l'intervenant, l'expert, le spécialiste qu'on a demandé de venir en onde, parler, faire son commentaire. Et avant de poser la prochaine question, tu lances le petit commentaire, oui, mais telle affaire, truc négatif par rapport à, dans le cas présent, Galchenyuk. Et là, tu poses ta prochaine question. Fait que l'intervenant ne peut même pas réajuster le tir, ne peut même pas. Ça, là, ouais, ça me... Ça finit sur une mauvaise note, dans le fond. Ouais, fait que dans le fond, tu contrebalances ou tu discrédites tout. Tu sais, dans le fond, tu nuances le propos pour faire miroiter ce qu'on a décidé dans les médias qui devait être le message qui était pour passer. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, sincèrement, ça me fait suer parce que, intellectuellement parlant, là, c'est très malhonnête. Tu demandes à quelqu'un de venir exposer son point de vue. Et s'il ne fait pas ton affaire, tu le discrédites. Invite-le pas d'abord. Ou dis-y quoi dire. Dis-y, dis ça parce que c'est ça que je veux entendre. Moi, ça m'arrive des fois, là, un petit ostinade avec ma blonde. Je demande, bon, tu veux-tu mon vrai avis ou tu veux que je te dise ce que tu veux entendre? Parce que je peux le faire, mais tu vas le savoir que c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pour te faire plaisir, moi le faire, là, tu sais. Je me reconnais là-dedans, je me reconnais. on fait ça dans les médias. On nuance, on discrédite la personne, on temporise le propos. Puis je trouve ça malhonnête. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que le Canadien, c'est un peu comme une femme enceinte full hormone. Genre. OK, c'est correct. Non, mais je voulais juste être sûr. Soyons francs, ça y ressemble. OK, c'est bon. OK, il y a des joueurs actuellement qui ne jouent pas, blessure, suspension, des choses comme ça. Ben, pas suspension, mais maintenant c'est terminé pour Domi. Mais il y a Delaurier qui est en voie de revenir. On a éventuellement Delarose qui va être, en anglais on dit clear, par les médecins. Là, on va lui repermettre de jouer, on va lui donner le feu vert pour retrouver sa place dans l'alignement. Et éventuellement, il y aura des choix qui vont devoir être faits. Des joueurs qu'on va devoir tasser. Dans mon champ de vision, là, j'ai quelques noms. J'ai Delarose qui pourrait lui-même être envoyé dans la Ligue américaine. Delaurier qui pourrait lui-même être passé au balotage et envoyé dans la Ligue américaine. Si on dit que tout le monde a sa place, on ne change pas l'alignement, pourquoi qu'il prendrait la place de quelqu'un d'autre qui s'est fait valoir en camp d'entraînement puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Je vois un Osner puis je vois un Plekanec aussi. Qui doit débarquer au retour de... Le plus probable et le plus proche là, dans le temps, c'est Delarose. Qui doit débarquer pour rester avec un alignement qui a le bon nombre de joueurs? Très difficile à choisir parce que, si je ne me trompe pas, tous les joueurs vont passer par le balotage. À moins d'une transaction. Tu sais, Sherbach, il faut qu'il passe par le balotage. Si tu dis Delarose, il passe par le balotage. C'est une situation qui est très difficile puis je pourrais même pas choisir moi-même. C'est sûr que Delarose, je l'ai pas en grande estime, mais j'aime bien. Tu es en train de me dire qu'on a trop de bons joueurs chez le Canadien de Montréal. Ben, on a une victoire puis une défaite en prolongation. Fait que, on est là pour la coupe. Ouais. Ça, des grosses questions. Hein. Soit on a trop de bons joueurs, soit sont trop toutes mauvais mais égales. C'est ça. Ça dépend comment tu veux le voir. Mais tu sais, moi j'ai entendu, je me rappelle pas c'est qui parlait de ça, mais quelqu'un qui parlait justement de cette situation-là dans les médias, puis qui disait qu'il a parlé à quelques dépisteurs, puis il y a un dépisteur assez bien placé, assez connu, ça a l'air, qui aurait dit, tu sais, même si tu passes Jacob Delarose par le balotage, si tu as 25% des chances qu'il soit réclamé, c'est beau, là. Et même encore. Ah oui. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, lui, là, il dit, tu sais, dans le maximum, tu sais, tu as 25% de chances qu'il va être réclamé. Tu sais, parce qu'il a été surévalué par le Canadien, mais, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, c'est un beau risque à prendre quand même. Je veux dire, on met pas Drouin au balotage, on met pas un gars du top 4, du top 6, là. On met un gars qui va dans son gros pic finir sur un quatrième trio. Même si on le perd, on va trouver un remplaçant. Ouais, puis tu sais, dans le fond, là, tu sais, si on peut donner à Marc Bergevin ce qui lui revient, là, peu importe qui c'est qui va perdre sur un troisième et un quatrième trio, là, c'est pas mal sa spécialité d'aller ramasser des gars de troisième, quatrième. Non, mais c'est vrai, là, puis tu sais, c'est même pas péjoratif, là, tu sais. Ses meilleurs coups, c'est souvent ça, là. Tu sais, c'est des Dale Weiss, c'est des Paul Byron, c'est des gars de même, là. Fait que, tu sais, même si t'en perds un ou deux de même, who cares? Tu sais, c'est beaucoup plus facile de ramasser ça, un gars de même, que d'aller chercher justement des Drouins et des affaires de même, là. Mais mettons, là, je reprends ce que tu disais là, pour De La Rose. Mettons qu'il y a 25% de chances que quelqu'un le ramasse. Là. Reste que c'est 25% plus que Osner. Je comprends même pas qu'il y a un débat. Ça devrait être Osner all the way. Tu devrais même pas avoir à réfléchir et te demander qui est qu'on passe? Qui va passer sans se faire ramasser? Ou qui que, s'il se fait ramasser, on est content? Osner. Ouais, c'est ça. À part le fait que c'est une décision de Marc Bergevin puis que ça paraît mal, puis que un an après l'avoir signé, déjà, un, il joue plus, deux, tu l'envoies dans la Ligue américaine. À part son orgueil, là, qui va être surpris, un, puis qui, deux, va être inquiet qu'il passe au ballottage puis que, oh, on va le perdre? Personne. Puis en même temps, tu sais, c'est pas, il sera pas exceptionnel en faisant ça. Là. Si je me souviens bien, à New York, Wade Whedon, qui faisait 6 ou 7 millions par année, il avait été donné avec les Flyers aussi à l'époque. Ouais, exact, exact. Puis il y en a un aussi tout récemment là, qui est Shattenkirk. Non, Shattenkirk qui a été mis de côté. Mais tu sais, ça se voit encore aujourd'hui là, des gars qui ont des gros salaires puis qui sont envoyés au ballottage. Puis en même temps, je trouve que ça serait injuste pour les défenseurs de replacer Osner dans l'effectif. Ça serait injuste pour, encore une fois, pour la méritocratie de ceux qui ont mérité leur poste, soit mis de côté pour un gars comme Osner, qui ont. C'est bon, on se demande qui est vraiment. Qu'est-ce qu'il peut offrir encore aux Canadiens, là? Surtout dans le style de jeu que le Canadien veut jouer, qui est, tu sais, sur le transport de la rondelle, sur la vitesse d'exécution. Tu peux pas avoir Osner. Tu sais, c'est évident que. Tu sais, si tu me demandes qui est-ce qui devrait payer, en parenthèse, là, tu sais, qui devrait être sacrifié, ben moi, j'ai jamais été un grand fan de Delarose. Delaurier, c'est plate pour le gars, mais tu sais, son utilité est, tu sais. Ben, en même temps, Delaurier, je trouve qu'il corde plus un rôle de quatrième trio assumé, qui peut quand même fournir peut-être une dizaine, une quinzaine de buts s'il y a une grosse saison. Mais c'est juste son rôle physique qu'on voit pas avec les autres joueurs du Canadien, à part Shaw qui se fait rentrer dans la bande 3 games sur 4. Mais c'est ça, il est assez unique en termes de ce qu'il peut t'offrir. Fait que je pense que lui, il a déjà plus sa place qu'un De La Rose. Tu viens-tu dire que Nicolas Delaurier est unique? Il est unique. c'est beau. Mais non, mais c'est ça. Si tu me demandes qui est-ce que je garde entre Delaurier puis De La Rose, je garde Delaurier. Ah, c'est ça. Puis ça n'a pas de rapport avec le fait français, québécois ou appelle ça comme tu veux. Là. C'est juste que Jacob De La Rose, j'allais faire une joke pas politically correct, là, mais bon. Garde ça pour toi. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai jamais été un grand fan de Jacob De La Rose, puis je le serai jamais. j'y enlève rien, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas sa place là. Qui enlève tout, t'arrêtes. non, mais tu sais, il n'y a pas sa place avec l'équipe en ce moment, c'est aussi simple que ça. Fait que lui, Osner, Ben, moi, je suis plus capable de le voir, là. Ben Schlemko. Tu sais, mais bon. Excellent texte que j'ai partagé sur notre page Facebook de la POC aujourd'hui. Un article de The Athletics, c'est Marc-Antoine Godin et Arpen Bazou qui ont co-signé ce texte-là. Ils se sont entretenus avec Marc Bergevin et c'est probablement son entrevue la moins, comment je dirais ça? Tu sais, quand on l'a vu faire sa tournée des médias, là. Télé, radio. La moins aseptisée. La moins aseptisée, oui. Oui, puis je dirais dans un environnement. Écoute, je cherche mes mots parce que c'est un point bien précis. C'est qu'elle n'était pas dans un environnement contrôlé et aseptisé, puis mis de façon à ne rien froisser. Okay. Non, c'est ça. Il n'a comme pas été coaché par le PR avant, puis rien. Là. Mais même les intervieweurs, je suis convaincu que Marc-Antoine Godin et Arpen Bazou ne se sont pas fait dire par le Canadien, t'abordes pas ça. Ils ont été dans des sujets pas mal plus crunchy que, admettons, à tout le monde en parle, ou est-ce que, moindrement qu'il y a une petite Et il y a une question qui coince, qui grince un peu. On fait un petit gag, on passe à d'autres choses. Merci, bonsoir. Mm-hmm. On n'est pas capable d'assumer qu'il y a une tension dans l'air. OK, on peut non, ça marche pas. Donc, ouais, mais c'est plus dur de mettre à l'écrit aussi, tu sais, des pouettes-pouettes, puis une tonne de Martine Sinclair. Tu sais, c'est comme plus dur à pousser. Sûrement, sûrement. Mais excellent article. Je sais là, que le côté réfractaire pour bien des gens, il y a une barrière d'entrée qui est l'abonnement payant, mais ça vaut sincèrement la peine. Dans cet article-là, ils ont posé des questions à Marc Bergevin et, entre autres, par rapport à Osner, Marc Bergevin, il a été d'une réponse, je vous la lis, OK? Le DG nous a expliqué que l'embauche d'Osner avait été une conséquence directe du repêchage d'expansion du fait qu'il avait perdu les services d'Alexis Emelin à cette occasion. S'il n'y a pas de repêchage d'expansion, cette embauche-là n'a pas lieu, a-t-il dit. Ça, c'est Marc Bergevin qui a dit ça. Et moi, ça me... Les poils m'ont dressé, ces bras. Ben, moi, les poils m'ont dressé, mais c'est pas le bout que je pensais que t'allais lire. Ouais, il y en a d'autres. Mais là, c'est parce qu'on parlait de Osner, j'en ai pas. Ouais, mais il y en a un autre bout sur Osner quand il dit que justement, que dans l'évaluation, ils n'ont pas je me rappelle pas les mots exacts, mais ce que ça voulait dire, c'est on n'a pas tenu compte de son environnement, d'avec qui qu'il jouait, puis qu'il ne jouerait pas avec les mêmes gars avec nous autres. Puis ça, moi, la gueule m'a tombé. Hey, à quel point tu es mal conseillé par tes pros? Okay. Il a admis que son groupe et lui n'avaient peut-être pas accordé une importance suffisante à la façon dont Osner était entouré et en quelque sorte protégé à Washington. Sans la même qualité de partenaire avec les Canadiens, il a été exposé. Mais en même temps, c'est grave, là! C'est crime. Comment tu peux avoir ce raisonnement-là? Ça met la lumière sur son équipe qui l'entoure, sur lui aussi, puis sur le type d'évaluation qu'on fait. Mais vous souvenez-vous au point de presse où est-ce que, pas le dernier, mais l'autre saison là, qui a été plus difficile et qui a permis de repêcher Sergachev? Marc Bergevin expliquait que, tu sais, il avait été chercher un joueur qui est à la retraite, qui est maintenant dans le coaching staff des Blues de Saint-Louis, d'un vieux vétéran qui n'a pas joué, qui n'a pas patiné. Puis, il expliquait que les déboires, sans raison d'affaires comme ça, des sous-performances de joueurs de ce type-là. Puis tu te dis, ben voyons donc. OK, ça, c'est ça l'explication, là. C'est comme si... ça, c'est un engrenage vraiment important dans l'équation globale, là, sur l'échelle d'une saison. Tu peux pas me sortir ça comme argument. Emeline est même plus dans la Ligue nationale aujourd'hui. Emeline, une fois repêchée par Vegas, a été échangée en retour d'un choix de, je pense que c'est troisième ronde. Mm-hmm. Si tu voulais vraiment revoir Emeline, là, paye le choix de troisième ronde. Mais utilise pas ça comme un argument pour excuser une erreur comme ça. Je peux pas croire que Emeline, que tout le monde voulait se débarrasser, là. Soyons francs, là. C'était équivalent à Osner dans ta tête, là. C'était équivalent à te menotter à un salaire plus élevé, puis pour 5 ans, un joueur de même calibre. Si t'as Emeline, tu vas pas chercher Osner. Que c'est le même niveau. J'espère que tu le considérais supérieur pour le payer plus puis plus longtemps. Là. Non, mais tu sais, juste le fait qu'ils disent qu'il n'a pas tenu compte de son environnement puis qu'il était probablement protégé. Ça veut dire genre que, tu sais, quel exemple que je pourrais donner, là, Anders Lee, là, qui vient d'avoir des saisons de presque 40 buts parce qu'il jouait avec John Tavares. On va s'entendre que là, tu sais, si tu vas le chercher, puis que là, finalement, tu le fais jouer avec Plekanec, puis qu'il y a 12 buts cette année, puis que là, ton excuse, c'est « Ouais, ben c'est parce que tu sais on n'avait pas pensé qu'il jouerait pas avec John Tavares cette année. » What the fuck, tu sais? Mais en même temps... Ça compute pas dans ma tête. Non, c'est ça. C'est supposé être des professionnels. C'est leur job. Je comprends pas. Ça m'a... Cette citation-là m'a scié en deux. Ben, je l'ai déjà dit, hein. Tu sais, au 1er juillet, là, tous les contrats qui se donnent, il y en a facilement la moitié, là. Puis si on est bien généreux, puis disons le tiers, là, qui vont soit être achetés, soit qui vont devenir nuisibles. Ça veut dire que la mauvaise évaluation du talent, là, ou l'appât du gain, ou n'imite là, les raisons, là, aveugle complètement les dirigeants du hockey, puis on tombe dans des panneaux qui sont évidents. Là. Mais évidents. Osner, c'est tombé dans le panneau. Lucic, c'est tombé dans le panneau. C'est l'ancien là, des Jets là, qui est rendu avec Boston. Gros contrat. Tu parles de... Ladd? Ouais. Non, lui, était... ouais. Non, lui, il est avec les Islanders. Oui, ouais. Ben, c'est ça, de base. C'est pas... Même affaire. Même affaire. Ouais. Mais puis, c'est... dans cet article-là, justement, il parle de Lucic, justement, puis il mentionne que, dans le fond, que Bergevin s'est fait sauver les fesses. Parce qu'il offrait plus que 6 millions par saison. Voilà, parce que Lucic a accepté l'offre des Oilers à mon grand désarroi. Ouais, si on veut, là. Mais, tu sais, fait que, tu sais, dans le fond, là, il s'est fait sauver de là. Hey, t'imagines-tu que là, il... Tu sais, sans ça, là, il se ramasse en ce moment qu'il y aurait le contrat de Osner et de Lucic à endurer pour les 4 prochaines saisons encore. Tu donnes presque 12 millions à ces deux gars-là. C'est ridicule. Mais ça date pas d'hier. Là. Depuis plusieurs saisons, on voit des signatures. Tu sais, Mark Streit, qui a décidé, hey, on va signer un défenseur de 48 ans. Non, il avait 42, je pense, en fin de vie. Puis tu le mets en. Tu se fais signer un contrat en espérant qu'il va peut-être patcher à la perte de Markov sur le power play. À quel point tu es assez timbré pour penser ça, là, tu sais. Attends un peu, viens-tu dire que quelqu'un de 42 ans est en fin de vie? Non, de vie utile au hockey, maintenant. Ouais, fait que tu sais, j'en ai 43. Fait que tu sais, si on passait pas à la télé, à la radio, tu sais, je te dirais des insanités, là, mais tu sais, là, je vais me retenir. Là. Mais là, pour ta fête de 45, Sylvain, nous autres, on voulait t'offrir un épitaphe, là, tu sais, on fait graver ça, c'était bien ton bal, puis c'était ça le cadeau, là. Une carte cadeau, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour un épitaphe. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, comme pour venir au sujet que dans l'ambiance des Capitals, Osner était peut-être meilleur qu'il était réellement. Mais tu sais, ça date pas d'hier que les équipes, mettons, comme pour tenir un autre exemple avec Tavares, Okposo que Buffalo sont allés chercher par le voie des échanges. Puis ils ont donné, si je ne me trompe pas, un choix de première ronde plus d'autres affaires. Puis aujourd'hui, Okposo, il n'est même plus d'implant de Buffalo. Puis il est encore à 6 millions par année. Ça ne date pas d'hier qu'il y ait des échanges qui se font comme ça en ne prenant pas en considération les joueurs qui sont autour. Juste à Montréal, quand Komisarek, qui aurait pensé que Komisarek aurait fait le match des étoiles? Si c'était pas de Markov qui était à côté de lui pour le remonter. Moi, je me souviens d'une transaction il y a quelques années entre le Wild du Minnesota et les Islanders. Le Wild échangeait Carl Clutterbuck contre Nino Niederreiter. Puis un collègue à l'époque défendait cette transaction bec et ongle. Niederreiter, c'est dans les dernières années, là, c'est 5 saisons de plus de 30 points, 2 de plus de 40, et Clutterbuck peine à aller chercher son 20 points par saison. Mais Clutterbuck, c'est un bon joueur de troisième trio. Ouais. En tout cas. Signé à 4 millions, si je ne me trompe pas. Oui, l'affaire de même. Dans l'article, là, je reviens là, dans les commentaires de notre DG adoré. Dans l'article, on dit qu'ils ont validé auprès de Bergevin et que l'idée de remuer, puis là, je cite l'article, là, l'idée de remuer ciel et terre en tentant d'échanger d'échanger Price et Weber, j'ai comme mixé les deux, n'a même pas été considéré par l'état-major de l'équipe. Marc Bergevin, quand on lui a demandé s'il avait considéré ça, il a dit honnêtement, non. Mais t'es-tu vraiment surpris? C'est pas une reconstruction, c'est un reset. On the fly. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée parce que, admettons là, que moi, là, je suis le PDG d'une compagnie, je vends du café. Moi, là, j'adore l'Arabica. Puis je connais zéro le café, j'en bois pas, mais l'exemple, OK? Je capote sur les grains Arabica. Moi, là, c'est ça qui me fait triper. Ça me fait capoter. Mais la population, eux, ils achètent pas ça. Ils achètent l'autre sorte de grains que moi, j'aime pas. J'ai deux choix. Soit je continue à triper sur l'Arabica, puis je décide que moi, je mets toutes mes œufs dans le même panier, je vends de l'Arabica et que, ben écoute, mon entreprise va finir par dépérir et je finirai par ne plus avoir de job parce que ma business va mourir. Ou je pile sur moi, je vais prendre de l'Arabica pour mes plaisirs personnels, pour ma consommation, pour boire mon petit café, mais pour la population, je vais vendre l'autre sorte de grains qu'eux, ils trippent. Et là, je fais du cash, je prospère et je gagne le prix de PDG de l'année dans le domaine du café. J'ai ces deux options-là. Mais avant de prendre une décision, j'ai évalué les options. J'ai fait un plan, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui va mener à ma perte, qu'est-ce qui va pas mener à ma perte. Et après ça, je prends une décision. Mais si je fais même pas l'étape d'évaluer les options, là, si je prends même pas la peine de prendre ça en considération, je suis un mauvais PDG. Je fais pas ma job. Parce que ma job, c'est de faire le bien pour mon organisation. Je peux me tromper après. Je peux prendre des mauvaises décisions. Je peux mal évaluer des affaires. Mais ne même pas évaluer les options, pour moi, ça, c'est inconcevable. Puis là, ma compagnie de café, là, dans mon exemple, là, c'est une petite business. Là. Mais imagine, là, je gère une masse salariale de 79 millions de dollars. Ma business, quand elle a été vendue la dernière fois, c'était près d'un milliard. C'est ça, là, la vente du Canadien, un milliard de dollars. Et je n'évalue même pas toutes les options quand vient le temps de faire un plan d'affaires pour mes prochaines années. À quel point je mérite encore d'avoir une job aujourd'hui? Ouais, mais c'est parce que dans ton équation, tu n'as juste pas pensé qu'il y a, oui, il y a ces deux options-là, mais tu as la troisième option qui est l'option du Canadien. C'est-à-dire que toi, tu tripes sur l'Arabica. Le monde s'en fout de l'Arabica. Mais toi, tu tripes sur l'Arabica. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu dis au monde que l'Arabica a déjà été le meilleur café au monde. Puis qu'il a gagné 24 fois le prix du meilleur café au monde. Ouais, effectivement. Puis qu'ils vont prendre de l'Arabica, puis ils vont aimer ça. Puis non seulement ça, tu vas augmenter le prix de ton Arabica. J'avoue. Je me demandais où tu t'en allais avec ça, mais... Puis qu'il y avait l'Arabica Béliveau, il y avait l'Arabica Lafleur, il y avait Richard, puis... Oh, oui, je comprends. C'est ça. Écoute, l'Arabica a déjà gagné 5 fois le prix du meilleur café de l'année pendant 5 années de suite. C'est une dynastie. Non, je comprends. Marketing-wise. Voilà. Je vois le bout-là, excuse-moi. C'est ça, c'est parce qu'il faut que tu mettes tes lunettes bleu, blanc, rouge, hein, qui déforment la réalité un peu. Il faut que tu sois capable d'avoir les couilles assez grosses pour rentrer ton Arabica dans le fond de la gorge de tout le monde. Tu sais, puis de leur dire, non, c'est bon de l'Arabica. Vous allez trouver ça bon. Hey, puis, tu sais, gars, tu m'as l'augmenté en plus. On va te faire des séances de dégustation d'Arabica premium en plus. On va ajuster le prix, mais juste quand ça fait notre affaire. C'est ça. Tu sais, genre, ton café, la fin de semaine, va te coûter plus cher parce que tu as plus de temps pour le savourer. Fait que, tu sais, il devient premium. Je reviens à l'article, parce que là, à un moment donné, café, c'est assez. salutations à tous les buveurs de café. Vous avez le goût de boire une tasse. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Dans l'article. N'oubliez pas de prendre des cartes de hockey. Des cartes de hockey. des cartes de hockey. Hey, cette pub-là, t'as commandité par le Nouveau-Brunswick, hein? La Nouvelle-Écosse. Oui, excusez. Il a pas perdu son... Totalement différent. Tu vas te faire battre si jamais tu vas là. J'avoue. J'en viens dans l'article. On dit là que Price, il a, pas Price, mais Bergevin a rien eu à vendre à Price. De la façon, Bergevin dit, de la façon dont l'équipe est construite, chaque équipe a un joueur de concession. Il est notre joueur de concession. À Pittsburgh, ils sont chanceux. Ils ont deux gars, Crosby et Malkin, mais ils ont été repêchés premier et deuxième au repêchage. De Matthews, numéro 1. Donc, notre joueur de concession, c'est notre gardien et tout va partir de lui. Si tu parles de reconstruction, alors tu dois liquider tout le monde, particulièrement lui, parce qu'il peut facilement te gagner des matchs. Moi, il y a plusieurs affaires là-dedans encore là, qui accrochent. Oui, OK, Price, c'est ton joueur de concession en ce moment. Mais il a été repêché. Puis les exemples que tu me donnes, c'est des hauts choix repêchage. C'est quoi la meilleure façon d'aller chercher des hauts choix repêchage? Puis d'avoir des joueurs comme Matthews, Crosby, Malkin? Ben, c'est par le repêchage. Par des hauts choix de repêchage. Alors, si tu es dans une perspective de reset, qui est un semi-reconstruction, semi-tankage, semi-limite, là. Si ton but, c'est de passer par le repêchage, ben, ton joueur étoile, est-ce qu'il te nuit pas dans ce plan-là si à lui seul, il peut te gagner des matchs, mais qu'il ne peut pas t'en gagner assez pour atteindre le succès? Fait que finalement, il fait juste te faire vivoter, puis tu vas te ramasser avec un choix plus ordinaire qui va t'empêcher d'aller repêcher d'autres joueurs concession. Exact, exact. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier non plus, puis c'est ça qui est malheureux aujourd'hui, c'est que le Canadien, c'est une business. C'est pas juste du hockey, c'est pas juste on monte un sport ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a le côté divertissement, puis ce qui est plate, c'est qu'on ne prend pas nécessairement toujours les décisions en fonction du hockey, on prend des décisions en fonction du côté business. Perdre volontairement, perdre Price, qui est la tête d'affiche, comme tu dis, le joueur de concession de Montréal, perdre Weber, qui est le capitaine aujourd'hui du Canadien de Montréal, ça vient de mettre un point tournant au niveau de l'attachement que les partisans peuvent avoir avec le Canadien. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai le même point de vue, puis je l'ai dit souvent. Price, selon moi, c'est lui qui peut te faire partir dans une autre direction. Puis il y a plusieurs options. Puis moi, ce que je trouvais plate dans l'article, c'est que tu n'as même pas la perche à tes collègues DG dans la Ligue de savoir combien vaut Carey Price. Qu'est-ce que vous m'offrez pour Carey Price? Après ça, je peux prendre ma décision. Si c'est pas ce que je recherche, on oublie ça. Mais c'est ça qui est plate aujourd'hui, c'est que les décisions sont pas faites nécessairement toujours en fonction du hockey. C'est fait aussi au niveau de la business. C'est plate, mais c'est ça le monde du sport. Totalement. Écoutez, là, si tu te départis de Carey Price, puis qu'en dedans de 24 mois, tu t'es départi de Subban et de Price, c'est un suicide financier, là. Exactement. Tu viens de enlever aux gens les deux gars qui aiment le plus. Et la raison pour laquelle que Weber a été nommé capitaine et la raison pour laquelle que Weber va rester ici longtemps, parce que si tu te débarrasses de Weber, tu viens avouer publiquement que tu t'es trompé dans l'échange de Piquet-Souban. Et de la même façon qu'en le nommant, tu n'as pas le choix de le nommer capitaine parce que l'argument que tu as donné quand tu as été le chercher, c'était pour avoir son leadership dans la chambre. Je ne renie pas le fait que c'est un bon choix, là. J'adore chez Weber. Mais tu t'es menotté avec cet échange-là, puis la façon que tu l'as vendu aux gens, que tu n'as pas le choix de lui mettre le C. Puis si tu l'échanges, ben là, tu vas te le faire. Si vous pensez que les gens parlent encore beaucoup de l'échange de Piquet-Souban, si demain matin, ils se débarrassent de chez Weber, c'est rien, là. Tu sais, la tempête qu'il va y avoir, là, ça va être incroyable. Puis si en plus tu te débarrasses de Carey Price, ben là, écoute, tu viens de vider le centre. Ouais, ouais. sûr et certain. Puis tu sais, je dis pas que côté hockey, ça serait pas la bonne chose à faire. Mais encore là, eux autres sont pas à la même place que vous voudriez qu'ils soient. Vous autres, vous parlez de tankage puis d'une reconstruction. Eux autres, c'est 6 mois que ça signe avec tout le monde pour dire que c'est pas une reconstruction, c'est un reset. Fait que c'est là qu'ils sont clairement pas à la même place que vous êtes. Puis je suis pas en train de dire que vous avez pas raison. Rendu là, oui, je ferais la même chose. Mais c'est pas ça. Tu sais, puis on l'a vu, là, ça a pris 2 matchs, là. Une victoire contre les Pingouins, une défaite en prolongation contre les Maple Leafs, puis déjà là, les gens commençaient à s'emballer pis à parler de série. Mm-hmm. Quand, dans le fond, tu devrais te dire, dans l'état des choses, chaque point que tu ramasses, t'éloignes de Jack Hughes. Je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, dans des saisons précédentes. J'ai été voir le fameux match là, l'an passé que les Oilers sont venus à Montréal. J'étais là en fin de saison. Et le Canadien a planté les Oilers. Puis je dis pas ça juste pour taquiner Sylvain, c'est pas du tout. C'est l'exemple. Je pense que c'est 8-2, une affaire de même. Là. Tu sais, une vraie dégelée. Là. On est en fin de saison, on s'est... On peut-tu passer à un autre sujet, là? Non, mais tu vois, on parle du Canadien. On sait très bien que le Canadien ne fera pas les séries. Le but, c'est de repêcher le plus haut possible. T'as Rasmus Dahlin. T'as Svechnikov. OK, on a fini par repêcher 3e. Fine. T'sais, mais on aurait pu repêcher plus haut. On aurait pu avoir les odds pour les probabilités de notre côté pour la fameuse loterie. Mais durant ce match-là, à chacun des buts, la foule était debout et applaudissait à tout rompre. Je comprends là, l'amateur. Là. Tu suis ton équipe, tu as du fun, il marque un but, c'est le fun. Mais si tu regardes le big picture, là, tu regardes la vue d'ensemble, tu ne peux pas faire autrement que de dire « Ben non, il ne faut pas qu'il gagne. » À long terme, je préfère une défaite là pour 15 ans de bon hockey d'un jeune qu'une victoire là pour un moins bon jeune. Tu comprends? L'équation, pour moi, est assez simple. Mais malgré tout, c'est ce que le Canadien mise année après année. Ouais, mais la vraie équation pour l'amateur, c'est que lui, il vient de payer 74 000 piastres pour deux billets, un parking... deux hot dogs puis deux bières. Là. Tu sais, ça vient d'y coûter 74 000 piastres. Là. Fait que lui, quand il a des buts, il est content en tabarnouche. Tu sais. Puis en même temps, oui, je suis d'accord. J'ai le point de vue logique en arrière de ça, comme toi, JB. Mais c'est pas la majorité qui ont cette façon de penser-là. Puis tu sais, le but, c'est de rendre le partisan heureux puis de faire les séries. C'est vrai, moi aussi, je crois pas que faire les séries une année sur deux est gage d'espoir et gage de succès. Mais c'est malheureux, sauf que c'est ça que le Canadien se contente. Puis il faut faire avec parce que ça changera probablement pas. Puis c'est pas par miracle que demain matin, le Canadien va devenir une dynastie. Puis ils n'ont pas nécessairement la façon de construire l'équipe pour ça présentement. Mais aujourd'hui, c'est plus juste du sport. C'est rendu du show business, puis c'est rendu de faire rentrer du cash le plus possible. Pis si le Canadien peut se rendre aux séries, puis que tout le monde se ferme la boîte à la fin de la saison, puis qu'on se dise « Ah, bon, ben le Canadien, ils ont réussi leur mission », ben le partisan est heureux. Puis je suis d'accord avec toi, je suis toujours déçu quand les Canadiens se font sortir en première ronde ou qu'on voit nos espoirs finis parce que on se dit « Tabarnouche, pourquoi qu'on n'est pas capable de se rendre plus loin ?» Mais c'est plate à dire, mais il faut se contenter de ça, malheureusement. Puis, je le comprends, là, sur l'aspect marketing du business, mais un club de hockey devrait viser à gagner une Coupe Stanley, gagner un championnat. Mais je comprends, là, c'est pas ça ce qui motive. Mais si seulement, en plus, si c'était une corrélation directe, ne pas échanger Price égale succès, c'est pas garanti. Et surtout, échanger Price, si tu le fais, égale nécessairement full fâché. Full dans le sens de partisan, des amateurs qui sont fâchés et frustrés. Demain matin, là, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais le Canadien échange Price contre Matthews, pas sûr qu'on se plaint. Le Canadien échange Price contre Séguin, contre Kuznetsov, contre, je prends Pettersson, là, qui est la grosse affaire avant quoi, contre Monahan. Name it, il y a facilement 3 à 4 gardiens, il y a facilement une quinzaine d'attaquants puis une autre quinzaine de défenseurs que, à un pour un, je constate que les amateurs seraient contents. Puis ça, c'est sans compter des choix puis des choses comme ça, des prospects intéressants. Donc, je reviens au truc de base là, qui a amené cette discussion-là par rapport au travail de Marc Bergevin. Ne même pas évaluer la possibilité, c'est te fermer la porte à plein d'affaires. Et pas juste reconstruire, aller chercher peut-être un talent plus jeune qui va t'amener des performances équivalentes. Peut-être même que globalement, tu t'en sortirais mieux. Mais tu n'oses même pas évaluer ça. C'est pour ça que je dis que tu fais pas ta job. C'est pour ça. Pas parce que je veux absolument qu'il change Price, mais parce qu'en n'évaluant même pas la possibilité de le faire, tu te coupes les mauvaises opportunités, mais surtout les bonnes. Qui sait s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé sur la tête demain matin puis qui t'offre un pactole là, que tu ne pourrais même pas en rêver. Mais tu ne le sauras jamais. Tu ne prends même pas un ticket de loterie pour t'essayer de gagner le 60 millions. Tu le prends. Ça n'arrivera pas. Je ne prends même pas de ticket. C'est ce qui est arrivé aussi avec l'échange de Piqué-Souban. C'est ça qui est triste. Pas annoncé puis qu'on n'est pas. Tu sais, selon moi, quand. Un joueur, oui, là, il se cachait des médias, puis il disait « Ah non, Piqué-Souban, il n'est pas échangé, on va le garder ici, puis tout. » Mais entre toi et moi, si tu veux aller chercher la meilleure valeur sur le marché, c'est de l'annoncer à tout le monde, puis après ça, d'espérer qu'il y ait des enchères. C'est de même que tu vas chercher le meilleur deal. Puis c'est ce qui est arrivé avec Piqué-Souban. Il a été annoncé en secret à quelques équipes, et on avait entendu avec Edmonton, on avait entendu avec Nashville, ça finit avec Nashville. Mais et selon moi, ça n'a pas été fait de la bonne façon. Ouais. Écoute, deux petits sujets comme ça, bien, bien rapides, avant de terminer l'émission. On a Steve Legault qui nous demande, lui, il est curieux d'avoir notre avis par rapport à la situation de William Nylander qui est en conflit avec la formation des Maple Leafs de Toronto, l'espace sur le cap salarial. Il baboune seul de son bord. Vous en pensez quoi? Comment ça va se régler? Sylvain, ton call là-dessus? Ben, moi, je sais que là, tout le monde parle de Nashville parce que, tu sais, il y a trop de défenseurs, puis c'est pas mal ce qui manque. Parce que je pense que c'est fini, là. Je pense qu'il va se faire échanger. Je pense qu'on est au point de non-retour, là. Je pense qu'il va se faire échanger. Selon moi, la meilleure des destinations, là, Moi, je le verrais à Winnipeg, qui sont dans leur fenêtre, là, justement. Là. Ouais, ouais, ouais. Leur fenêtre est ouverte, puis eux autres, ils vont avoir à re-signer Trouba. Il y a toujours eu des problèmes de négociation avec Trouba. Je pense que... Effectivement, oui. Selon moi, c'est le switch le plus logique, tu sais, qui avantagerait les deux équipes. Puis là, ben, tu sais, Nylander, ça... Là, ce serait vraiment épeurant avec les Jets de Winnipeg, là, parce qu'ils sont déjà épeurants puis ils l'ont même pas. Ouais. Puis Trouba viendrait solidifier la brigade défensive des Leafs. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Je suis presque certain, je dirais à 95% que ça va être un échange. Puis comme je dis, moi, la meilleure destination, si on parle d'un échange, surtout un contre un, échanger deux quote-unquote problèmes, ça serait avec les Jets de Winnipeg. OK. Toi, Nick? Moi aussi, ça va finir par un échange selon moi. Mais c'est vrai que là, tu m'allumes sur Winnipeg, puis Winnipeg, c'est mon équipe préférée dans l'Ouest, donc je serais bien content de voir... C'est pas les Oilers? Comment ça? Non. Moi, j'aime mieux une vraie équipe bâtie pour la victoire que un joueur qui va faire la différence. Non, mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça ferait un beau fit. Puis surtout que la différence de salaire n'est pas énorme. Tu sais, Nylander, je pense qu'il demande quelque chose comme 8 millions. Chuba demandait 7. Donc, je pense que ça pourrait être un fit. Puis Winnipeg n'était pas prête à donner 7 millions pour Chuba. Fait que je pense que oui, tu as raison, Sylvain, ça pourrait être un très, très beau fit. Sinon, moi, je pensais peut-être à Calgary. Je sais que TJ Brody, ça fait longtemps qu'on parle qu'ils veulent Calgary veulent l'échanger. Donc, ça pourrait peut-être être une prochaine destination. Mais s'ils n'ont pas le choix, Toronto, ils ont vu qu'ils sont capables de produire des buts sans Nylander. Puis on voit que la défensive, tu sais, autant qu'ils ont compté pas mal de buts, autant que ça ont fait compter aussi pas mal. Fait que je pense qu'ils ont comme pas le choix de faire un échange pour aller chercher, pour solidifier leur défensive. La prochaine est pour toi, Sylvain. J'ai juste pour toi, puis fais-moi ça court et touchant. Adrien Lambert demande, les Oilers vont-ils réussir à faire les séries cette saison, selon toi? Non. C'est plate, là, mais non, il manque quelques éléments. C'est ça. Tu sais, c'est difficile pour moi de faire ça short and sweet, là. mais non, il manque des éléments. Il va falloir qu'il y ait des gars qui bougent. Moi, je pense que ça passe par un échange de Draisaitl. Ah ouais? Ah ouais. Oh oui, ça c'est. Pour un défenseur? Un défenseur avec des prospects, d'après moi, ça pourrait être bien, là, parce que, tu sais, Draisaitl, ça marche quand il joue avec McDavid. Si tu essaies de l'utiliser comme deuxième centre, il est moins efficace que Nugent Hopkins. Je pense que j'aimerais mieux vivre avec Nugent Hopkins, qui fait un très bon travail. À un salaire moindre. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est par là. Je pense que c'est par un échange de Draisaitl puis essayer de se débarrasser du contrat de Lucic, mais ça, je pense même pas. Là. Mm-hmm. Ça n'arrivera pas. Mais non, je pense que cette année, ils vont se battre jusqu'à la fin, mais d'après moi, la seule chose qui pourrait changer la donne, c'est que c'est la dernière saison du contrat de Cam Talbot. Fait que si, comme il y a 2 ans, il sort une saison à tout casser, pourrait fausser la donne, mais en toute honnêteté, même si ça me fait beaucoup de mal de vous dire ça, d'après moi, ils ne seront pas dans le court et touchant comme on l'aime. Si vous avez apprécié l'émission, toi, l'auditeur, t'aimes ça, là, l'époque, tu capotes, là, et t'aimerais pouvoir mettre la main à la pâte, nous aider, ben c'est possible de le faire. Un, en faisant connaître le show à tes amis. Parle de nous sur les réseaux sociaux. Partage nos publications. Viens commenter. Ça, c'est vraiment très, très cool d'avoir des interactions avec les auditeurs. Puis on a vraiment une gang de brillants avec nous autres. Des gens intelligents. J'en ai parlé souvent sur le show. L'interaction est vraiment très, très fun. Ça se fait dans le respect. Et on commence à peine à avoir des haters. Fait que c'est encore cool. Viens-t'en avant que ça soit rempli de monde pas le fun. Viens te joindre à la communauté de la POC sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nous sommes là-dessus. Mais tu peux aussi nous aider financièrement en devenant l'un de nos patrons sur la plateforme patreon.com/lapoc. C'est possible de nous aider à partir $1 par mois. Tu peux nous aider financièrement à pouvoir améliorer le produit qu'est la POC qu'on t'offre gratuitement et généreusement à chaque fois qu'on sort un épisode. Tu peux faire comme nos patrons qui nous aident actuellement, Jean-Philippe Vandal, André Hull, Pierre-Yves Giacometti, qui, soit dit en passant, c'est un de nos auditeurs les plus lointains. Il est en Suisse et il nous aide sur la POC. Donc, un gros merci. Et aussi Adrien Lambert. Donc, fais comme eux, viens nous aider sur patreon.com/lapoc. Aux auditeurs du 1350 AM à Gatineau, merci d'avoir été du rendez-vous. Et à tous les auditeurs via vos applications de podcast, merci d'avoir été sur le show. Merci, Sylvain. C'est toujours un plaisir. Merci, Nicolas, aussi, d'avoir été avec moi pour endurer Sylvain. À deux, ça se fait mieux. À un, là, c'est tough. Exactement, exactement. Ça fait plaisir. On split la pression. Sur ce... Je le sais. Sur ce, je vous souhaite du bon hockey, du gros fun, des échanges, des bons pools, plein de fun avec le hockey. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de la POC. Bye-bye tout le monde! Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange, when you're strange. Je suis certain que j'en ai eu, là. Je peux dire un gars qu'on manque aujourd'hui, c'est Roberto Bissonnette. C'était un bon vivant, mais quand c'était le temps de jouer au hockey, il venait pour jouer. Mais t'en as dans presque toutes les équipes, je te dirais. Écoute, c'est bien parce que ces gars-là, quand même, apportent quand même un certain calme, un peu de plaisir, disons, au vestiaire, surtout quand les choses ne vont pas toujours bien. Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien. Pour souligner mon départ, je serai pas intronisé au temple de la renommée, aux côtés de Marc Messier pis toutes mes joies préférées. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain. J'accroche mes patins. Je pense à toutes les coups de poing j'ai mangé sur le nez, à toutes les fois où j'ai joué, blessé ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées, puis mes jointures commencent à être maganées. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau. J'ai peut-être pas dit la fleur, mais je l'ai fait des tours du chapeau. Ma petite carrière passe sous le silence. Ça y est, je tire ma révérence. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte, j'aurais pu demain.